إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد On a pris quoi dans le dernier mardi? At-tama'im. C'est quoi les shurut de Ruqya? C'est les trois shurut. Pour que ce qui soit récité, ce ne soit pas pour qu'il y ait un marna qui soit correct. Pour qu'on comprenne, soit du Coran, que ce soit. Que le marna ne soit pas en. Que ce soit un marna qui est compréhensible et que ce soit pas un, que ce soit correct. Pas qu'il mukharafa dedans. Il ne faut pas que ça s'oppose aussi avec Sharia Ibla. Et il ne faut pas qu'on la personne y retarde dans la hadhihi Ruqya. بذاتها نعم كال سويتل ديل ميم والتمائم يجوز التمائم بالقران تمائم نور الكلام دي قران هل يجوز لا يجوز يعني يقال المساله فيها خلاف والصحيح انها ما تجوز نعم et que on a dit le jugement c'est le même jugement que ce qu'on a pris dans les masales précédentes. Est-ce que c'est le Cheikh Akbar ou Ashar? هذا يكون بحسب اعتقاد لابسها ملبسها ou celui qui l'a mis ou celui qui l'a fait mettre. طيب الآن ندخل في باب جديد التاسع بعنوان باب من تبرك بشجرة أو حجر qui est celui qui recherche la baraka d'un arbre, d'une pierre ou autre chose. Tabarruk, c'est le masdar du fi'l tabarraka et tabarraku. Et talab al-baraka, c'est le fait de rechercher la baraka. Yakul, tabarrak bi kaza wa kaza. On cherche la baraka par telle et telle chose. Wa ma'khouz min al-baraka. C'est pris de la baraka. Et al-baraka, comme le dit Cheikh Othaymin dans le Qawl Mufid, ça vient de al-birka. Birka, c'est un. Je pense que ça doit être un étang ou. C'est une grande étendue d'eau. Car. Le baraka, à la base, c'est tarab, yani le khayr wa thubuta. C'est le bien, chercher le bien et qu'il perdure, qu'il reste. Tamam? Par exemple, quand tu cherches la baraka dans un ta'am, tu cherches le bon de ce ta'am et qu'il en ait une grande quantité. Et que ça dure. La salène, tu as une chose qui est que pour peu de personnes, s'il y a de la baraka dedans, elle suffira à beaucoup de personnes. Le réel présent, il y en a beaucoup. Sans même que tu t'en rendes compte. Donc, birkas, qui est la grande étendue d'eau. Pourquoi, c'est quoi la ressemblance? C'est que c'est un lieu où il y a beaucoup d'eau, et l'eau, elle demeure. Elle y reste. Azawaj al-Mushabah, ce que a cité Cheikh Al-Othaymin, rahimallahu ta'ala. وشجرة مثلا il y avait le شجرة dans lequel il y avait أصحاب العدوان أصحاب الرضوان sur lequel شجرة sur lequel le Nabi صلى الله عليه وسلم il a fait pacte d'allégeance avec les Sahaba. Et par la suite, Omar, lorsqu'il a vu les gens chercher à se rassembler et à se rapprocher de cet arbre, il l'a fait couper. Parce que cet arbre lui-même n'apportait rien du tout. Il n'avait rien à voir avec l'événement qui s'est produit. Mais pour que les gens commencent à avoir une croyance, Beb Sad Zara'ir, il a coupé l'arbre. Wa kadhalik, Hajar, toute forme de pierre. qu'il s'agisse de Al-Hajar al-Aswad, qui est le Bayt al-Haram, que ce soit le Sahara, qui est Bayt al-Maqdis, le gros rocher qui est au Nac, pareil, ce sont des pierres, et il n'y a rien qui amène à ce que on cherche la baraka par rapport à ces pierres. Al-Hajar al-Aswad, on le fait comment? Ta'assiyan bin Nabi sallallahu alayhi wa sallam, par suivi du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'il a embrassé, on l'embrasse. Comme il a salué, on l'a salué. Mais il n'y a rien qui montre qu'il y a une baraka dedans. Comme a dit Omar, radiallahu anhu, inni a'lamu annaka hajar, la tanfa wa la tadur, walau anni lam ara an-nabi sallallahu alayhi wa sallam yuqabbiluk ma qabbaltuk. Je sais que tu es qu'une pierre qui n'apporte ni de main, qui n'apporte ni de bien, qui ne repousse ni de mal, et que si je n'avais vu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam t'embrasser, je ne l'aurais pas fait. C'est-à-dire que cette pierre en elle-même, elle n'apporte rien. Mais comme on l'a vu faire, ça s'appelle al-ta'abud. La différence entre le ta'abud et le tabarruk. Ta'abud, c'est une chose que tu fais en adoration pour te rapprocher d'Allah. Et tabarruk, c'est rechercher une baraka. Des fois, tu as des actes de ta'abud, il y a une baraka dedans. Et d'autres, non. Pas forcément. Ceux qui ont une baraka, ils ont un dalil. Ils ont un dalil. Et des fois même, tu as des actes qui ne sont pas forcément une ibadat, mais que c'est un acte permis. Dans le cas tu mets une niya, c'est une ibada qui peuvent avoir un tabarruk. Comme dans le fait de manger. Manger jusqu'à la fin du plat. J'achète la baraka, du ta'am, masalan. Car à la base, manger, c'est une chose permise. Si tu mets une niya, ça peut devenir une ibada. Tu mets une niya de te rapprocher d'Allah, subhanahu wa ta'ala, masalan. À la base, c'est une chose permise. C'est pas comme la salat qui est une ibada bidhatiha, qui doit être faite, et elle est faite que pour ça. Tu fais même donner. Donc tu as des actes, tu peux trouver une baraka dedans quand il y a un dalil qui est venu pour l'expliquer, pour le démontrer. طيب قال المؤلف رحمه الله تعالى وقول الله تعالى أفرأيتم اللات والعزى والمناة الثالثة الأخرى ألكم ذكر ولا الأنثى تلك إذا قسمة ديزة الآية que Allah سبحانه وتعالى dit dans le sens avez-vous donc vu اللات والعزى et مناة et les trois autres est-ce que pour vous serez les garçons et pour Allah les filles. Il s'agit donc là d'un partage injuste, dans le sens inégal. Surat An-Najm, verset 19 à 22. Thumma qala innaha li asma samaytumuha antum wa abaukum. Akada. Faqala qabla hadha. Avant le verset, j'avais oublié de lire la parole du Cheikh Ibn Baz. قال التبرك وطلب البركة منها كما يفعل عباد القبور والأحجار والأصنام وترك الحكم ليأخذه الطالب لما ذكره من النصوص والحكم هو أنه قد أشرك لما يذكره المؤلف رحمه الله تعالى وهذا التبرك من فعل الجاهلية وجاء الإسلام فأبطل ذلك. Donc c'est quoi le par rapport au, avant le même le verset, le Munasaba du Bab, comme le dit le Shir là, c'est que les gens cherchent la baraka auprès de ces choses-là. Comme le font les gens des Koubours, ils cherchent la baraka auprès de leurs Koubours. Comme l'ont fait les gens de la Jélie avec les pierres, les Asnam. Tamam. En délaissant les textes. Et le Hukm de cela, c'est du Shirk. Comme va le citer le Mu'allif. Et cela, c'est les actes des gens de la Jahiliya, et que l'Islam est venu pour annuler cela. Et parmi eux, certains qui ont répondu à l'appel, et d'autres qui ont refusé. Donc par rapport au verset, Allah subhanahu wa ta'ala, comme le déchire, qu'est-ce qu'il veut dire par là quand il dit « Ra'aytum » C'est, voyez-vous donc, est-ce que c'est chose comme Asnam, apporte un bien ou un mal. Et en réalité, non. Ni elle n'apporte de bien, ni de mal. Et il dit, وَكَانُوا يَسْأَلُونَهَا وَيَتَبَرَّكُونَ بِهَا وَيَسْتَعِثُونَ فَأَبْطَلَ الْإِسْلَامِ ذَلِكَ. Qu'avant, il leur demandait des choses, des do'as. Il cherchait la baraka auprès d'elle. Il cherchait secours auprès d'elle, et l'Islam est venu annuler cela. Al-Uzza, c'est pour les gens de Mecca. Et à la base, c'était un nakhla, un palmier, qui est entre Taif et Mekka. Al-Uzza ma'khouz min al-Aziz, mushtaq min al-Izza min al-Aziz min asma'illah. Wallat, c'est un sonhomme des gens de Taif. Et à la base, Lat, c'était un homme qui nourrissait les Hujjaj. Après sa mort, les gens se sont mis à l'adorer. C'est devenu un sonhomme. Et tu as Manat, c'est un gros rocher qui est entre Mekka et Médina. Donc ces trois-là sont les principales idoles qu'avaient les Arabes à Qabl al-Bi'tha, ou fi Awal al-Bi'tha, avant l'envoi du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc quand Allah subhanahu wa ta'ala dit al-thalithata al-ukhra, yani que ce soit celles-ci, ces trois-là ou les autres, tous pareils. Mais ces trois-ci ont été cités car elles étaient les plus grandes et les plus célèbres et les plus connues. Et bien évidemment, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a conquis Mekka, il les a fait tomber. Hauna nazala Allahu qawlahu ta'ala qul ja'a al-haq wa zahaqa al-batil innal batila kana zahuqa. Dit la vérité est venue et que le faux dit a disparu et le faux est amené à disparaître. Il y avait à peu près 360 asnam autour de la Kaaba. 360. Et parmi elles celle-ci. En tout cas, le shahid de ce verset, c'est que ces gens-là, les mushrikoun, recherchaient la baraka auprès de ces idoles. Ils faisaient différentes sortes d'actes d'adoration. Wa minha atabarruk biha. Atabarruk biha. Donc, ils cherchent la baraka, comme on l'a expliqué, d'une chose que Allah subhanahu wa ta'ala n'a mis aucune cause de baraka. Donc, ça revient à le shirk akbar. Le code d'écoute Ashar pour une chose où Allah n'a pas mis le sabab. Et d'autres choses sont de la bid'a, comme Mathalan, Al-Ka'ba, Astar al-Ka'ba, le tissu de la Ka'ba, les mains de la Ka'ba. Car le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a touché des coins de la Ka'ba, wa al-Rukn al-Yamani, wa al-Hajar al-Aswad. Tout ce qu'il y avait entre là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il l'a touché. C'est tout. Et des gens, malheureusement, après se sont mis à toucher toute la Kaaba et à se frotter avec, cherchant la baraka. Avec la pierre noire, cherchant la baraka. Tout ça, les ulama disent, c'est des bid'ahs. Mayajouz. Et Muawiya, radiallahu anhu, comme cela est dans un hadith, dans un athar, il l'a fait également. Fa'ankara Ali ibn Abbas. Il a repris sur cela. Et il dit, Muawiya, alaysa fil Kaaba, shay'un mahjoura. Il n'y a rien dans la Kaaba qui doit être délaissé. Ibn Abbas, il le citait que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'a fait que de là à tel endroit, c'est tout. Après, le hadith, il a dit Mohammed. Donc on fait comme il l'a fait. Tout ce que tu fais là, il ne l'a pas fait. Donc là, Muawiyah, bien évidemment, il n'avait pas l'argument, il ne savait pas. Il a fait un ijtihad, il n'a pas vu juste. Ibn Abbas l'a repris. Il lui a montré c'était quoi le sawab. Donc les ulama, hakamu la zalika bil bid'a, wala bi shirk ashar. Quand il y a un wajj de shubha, car la Kaaba, ou Baytullah, ou Al-Hajar al-Aswad, kazalik. Il y a un wajj qui fait que les gens pourraient croire qu'il y a une baraka dedans. Et en réalité, ça ne l'est pas. Par contre, s'ils pensent que la Kaaba binafsi, bizatiha, ou Al-Hajar al-Aswad binafsi, y a-t-il baraka, ça l'est akbar. Ça, là-dessus, il n'y a pas de. Mais ils disent pas d'aller, de se frotter dessus, de la toucher, de toucher ce qu'il y a. Tout ce que le prophète Mohammed sallam a touché, c'est de la bid'a. Ça rentre dans la bid'a. Thumma qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala an Abi Waqid al-Laythi qala kharajna ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ila Hunayn wa nahnu hudatha'u had bi kufrin wa li mushrikin sidratun yaqifuna 'indaha wa yanutuna biha aslihatahum yuqalu laha dhatu anwat فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنوات كما لهم ذات أنوات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها لسنن قلتم والذي نفسي بيدي كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون لتركبن سنن من كان قبلكم رواه الترمذي والصححة وحتى هذه الرواية صححها الألباني رحمه الله تعالى. Donc là dans ce hadith, il dit que selon Abu Waqid al-Layth, radhiyallahu anhu, qui dit que nous sommes sortis avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, la nuit pour une ghazwa à Hunayn. Et ça c'était après le Fath. Après Fath Mecca, quand beaucoup de gens avaient répondu à l'appel de l'islam. Et il dit, nous étions encore fraîchement soumis, dans le sens qu'ils étaient entrés en islam peu de temps avant. Et il dit que les mouchrikoun avaient un jujubier sur lequel ils accrochaient, auprès duquel ils se recueillaient, et sur lequel ils accrochaient leurs armes. En but de quoi ? D'obtenir une baraka de cet arbre. Et cet arbre, on l'appelait Zat Anwat. Zatu Anwat. Donc après, il dit, nous sommes passés par un jujubier, nous aussi, nous avons dit au messager d'Allah, accorde-nous un Zat Anwat comme eux en ont un. Et le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, Allahu Akbar. Et c'est une tradition. C'est-à-dire, il a dit, par celui dont mon âme est dans sa main, vous avez dit, comme on dit, Banu Israël à Moussa, alayhi salam. Parce que dans le sens Allah, il dit, que Banu Israël, ils ont dit à Moussa, accorde-nous une divinité comme eux ont une divinité. Il dit, vous êtes certes un peuple qui ignore. Dans les A'raf 138. Il dit, vous allez certes suivre les traditions ou la voie de ceux qui étaient avant vous. Apporté par Tirmidhi. Fafi Adel Hadith. Déjà, premièrement, on y trouve ce qu'on a cité plusieurs fois dans les douloureuses. Al-Uzru bil-Jahl, par l'ignorance, car ces Sahaba étaient rentrés en islam récemment. Donc, les choses qui étaient relatives au shirk et au tawhid n'étaient pas tout assimilées. Fahimt? Car cette demande, cet acte, c'est du shirk asrar. Si on pense que c'est Allah SWT qui met la baraka dedans. Et si on pense que c'est l'avant lui-même, ça c'est Akbar. Donc ces sahaba ignoraient cette mas'ala qui était liée au fait de demander cela. Comme cela vient dans les masa'il. Et le fait d'accrocher les arbres, c'était en but de trouver une baraka pour que les arbres soient plus fortes dans leur croyance contre l'ennemi. Qu'il y ait une baraka dans ses armes, qu'elles apportent plus de bien et que ce bien perdure. Qu'elles sont plus fortes et plus violentes encore. Et ça, cette chose-là, tu la trouves aujourd'hui chez beaucoup de gens, même chez les sportifs. Ils ont des actes, des fois, qu'ils font avant leur compétition, avant leur truc, s'imaginant que ça va les rendre plus forts. Hein, c'est connu. Des choses qu'ils font. T'en as des fois, c'est du shirk, peut-être qu'ils font vraiment du ta'amoul avec les djinns. Et t'en as d'autres, c'est ça qu'ils cherchent, une baraka pour se rendre plus fort, soi-disant. Et beaucoup, que cela ne te méprend pas sur cela, beaucoup de sportifs de haut niveau, ils font du shirk pour arriver au stade où ils sont. Ou sportifs, ou artistes, ou acteurs, ou même hommes d'affaires, il y en a plein. Pour ne pas dire tous, hein, ce qu'ils font, c'est qu'ils font du shirk. Et comme les koufars les disent, en fait, l'expression, ils vendent leur âme au diable. Et ça, c'est un os, c'est ma'alouf. Des gens, ils font un pacte avec un shaitan pour avoir du talent dans tel et tel domaine. Et pour cela, il fait des actes, il fait des ibadat. Tamam. Et de là, son shaitan, avec lui, il lui annonce des choses. Ne crois pas que tout cela vienne de leur intelligence. Tamam. Les gens qui sont arrivés à un haut niveau, tu les vois, c'est de la ibadat, c'est du shirk qu'ils font. Pour arriver à ce stade-là. Thumma qala. Quand ils ont demandé Ij'al dhat anwat ay linatabarrak biha wa nu'alliq suyufana 'alayha lil baraka. C'est-à-dire qu'ils ont demandé cela pour pouvoir en trouver la baraka et accrocher les armes pour la baraka. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'a dit Allahu Akbar. De stupéfaction. Et en même temps, il le savait. Dans le sens, pas à ce moment-là, mais il savait que les muslimounes allaient avoir des paroles comme ceux d'avant eux, comme il le dit par la suite. Naam. Et ça peut être aussi de colère. De colère également. Que cet acte, il l'a réprimandé. Comme cela, et c'était dans le hadith. D'ailleurs, le chien lui le dit, lui, c'est par la colère. Qal, hadha min adati, sallallahu alayhi wa sallam, idha ra'a shay'an yunkiru, qala Allahu akbar, wa subhanallah. Disons, ça c'est parmi sa coutume au prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'il voit une chose qu'il blâme, ou qu'il blâme, il dit Allahu akbar, wa subhanallah. Mais pas forcément, ça peut être aussi une chose qui le surprend. Donc il dit, ça c'est parmi les choses que l'insan il doit suivre lors des moments d'inkar, il fait takbir. Ou une chose, comme il dit, وَكَذَلِكَ عَنَدْ إِرْجَمْ بِشَيْءٍ. Et dans son col, إِنَّهَا لَسُنَنْ أَيْ عِبَرَتْ الْأَحْجَرْ وَالْأَحْجَرْ وَالْتَبَرُّكْ بِهَا هي السنة المعروفة عند الناس السابقين أي هي طريقة الناس قديما ودائما. Que le fait justement de chercher la baraka, d'adorer justement ces arbres et ces pierres, en faisant le tabarruk, c'est une sunnah qui est connue chez les gens, parmi les anciens. Et même maintenant. C'est-à-dire, c'était anciennement connu, et jusqu'à ce jour, c'est, ça existe. Mathalen, par rapport au shirk de la baraka qu'on trouve chez les Nasara, eux, ce qu'ils appellent la bénédiction, ils la cherchent, comment ? Par leur homme religieux, qui les bénissent. Le sens de baraka chez eux, il est proche, mais c'est pas vraiment pareil. Parce que eux, la baraka s'obtient que par ça. Pas que par une prière. Ou par le biais du pape, ou du prêtre, ou du kaza, ou du kaza, ou du kaza. Des fois, ils se réunissent plein de gens. Par exemple, le pape, il vient. Ils viennent tous le voir. Il prend sa grande croix et il les bénit tous, soi-disant. Et bon, on dit votre bénédiction, en réalité, c'est une malédiction. Vous ne savez même pas. C'est du cheikh Akbar. Et certains, pour eux, après, dans leur croyance, je ne sais pas c'est comment dans leur cœur, mais il y en a pour eux, c'est le pape en lui-même qui te bénit. Pour eux, la baraka, plutôt la bénédiction, elle vient de l'homme en lui-même. Donc ça, c'est le cheikh Akbar, fait Rububiya. Ils ont par exemple ce qu'on appelle la confession, également chez les chrétiens. Ils rentrent dans l'isoloir, ils racontent tout ce qu'il a fait comme farsha ou comme khaba, comme venoub, qu'ils n'osent pas dire, j'ai fait ça, mon père, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Et après, le père dit, tu es pardonné. Genre, c'est lui quoi, le Toba, c'est lui. Pour eux, c'est le père. C'est le prêtre qui te pardonne. C'est-à-dire, pour faire Tawbah, pour eux, il faut passer, faire une confession. En fait, ils se sentent mieux. J'ai dit tout ce que j'avais à dire, alhamdoulilah, je me sens mieux. Soit disant. Mais t'as rien qui est effacé, t'es toujours un cas à faire. Peut-être même t'as encore plus de couf, parce que t'es parti croire que cet homme-là, il avait une part dans le pardon. Cheikh Akbar. Cheikh Akbar, hada. Donc, ta confession, t'as fait plus de mal qu'autre chose. Wali'azu billah. Donc, ils ont des ajaïbs, tu vois. Ils ont des ajaïbs, ces gens-là. Maintenant, peut-être que dans leur chair avant, Allah Alam, il y avait ça, qu'il fallait passer et avouer le péché à quelqu'un qui fait un doa pour toi, mais c'est un cas de pardon. Peut-être qu'il y avait un truc, je ne sais pas. En tout cas, aujourd'hui, ça n'existe pas. Et bien là, chaque que ces gens, ils ont ibtada'u fi dinihim. Ils ont innové dans leur religion. Car ça arrive à un stade de quoi de shirk qu'ils font. Les anbiyas ne sont jamais venus avec ça. Ça, c'est billah chaque wallah rahim. Ils n'ont jamais appelé à cela. Donc il dit, vous avez demandé, vous avez dit comme on dit Banu Israël. Banu Israël sont les fils d'Israël. C'est qui Israël? C'est Yaqub alayhi salam. Abu Yusuf, le père de Yusuf. Et c'est lui, c'est après lui que sont venus ce qu'on appelle les Yahoud. Pas avant. Et lui, Yaqub, c'est le fils de qui? De Ishaq. Et Ishaq, c'est le fils de qui? D'Ibrahim. Donc de Ishaq, sont venus les Banu Israël. Et de Ismaïl sont venus les Arabes, les Moustarabes. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, min Ismaïl. Et les autres sont venus de Ishaq. Fakulluhum min dhurriyat Ibrahim alayhi salam. Et ils ont nommé injustement leur état Israël. Israël bari ou minhum. Alayhi salam. Il est innocent d'eux. Tout ce qu'il faut actuellement. Nahnu minhu. Nous, on est de lui. Eux, ils ne sont pas de lui. Donc, pour revenir au kalam du Mu'allif, que les Yahoud avaient dit cela à Moussa. Donc, Moussa les a réprimandés. Kafil aya, innakum kumun tajhaloun. Thumma qal, inna haoula mutabbaroun ma'um fihi, wa ba'atilun makanu ya'maloun. Que ce qu'ils font, c'est vain, il ne sert à rien. C'est-à-dire, ces gens-là qui ont pris ces divinités, donc comment voulez-vous faire pareil? Est-ce que c'est autre que Allah que je vais vous prendre comme divinité alors qu'il vous a préféré à l'univers? À l'époque, Banu Sulaym, c'était le peuple qui était préféré. Aujourd'hui, ils sont maudits. Mais à leur époque, c'était eux les croyants. Les mu'minoun qui avaient les anbiya avec eux. C'était eux. Donc ils ont dit pareil. Et, ah oui, et bien évidemment, les Banu Israël qui avaient dit ça à l'époque également, ignoraient le jugement. Ils ignoraient le jugement. Donc Moussa, alayhi salam, les a éduqués, les a repris. Faqal, wa za yadullu ala anna al-i'tibar bil haqa'iq wa la bil alfaz. Liannahum tarabu shay'an yu'azzimunahu wa tabarrakuna bihi. Kama fa'ala Banu Israël, wa nikhtalafat alfaz al-fariqain, fal batil batil, wa nikhtalafat al-alfaz. Donc il dit maintenant, ça démontre quoi? Qu'on prend en considération la réalité des choses et non pas les termes. Car même si eux, ils ont bien dit, Jalana ilahan kamalaum aliha, ils ont dit directement une divinité, et eux, ils ont dit quoi? Zad anwat. C'est pas les mêmes noms, mais ça revient au même résultat. Donc il dit que les choses sont basées sur leur réalité, non pas sur leur nomination. Comme on avait pris dans Tantir al-Tikad, et c'est qui le premier qui a trompé les gens en changeant les noms? Iblis, alayhi salam, en nommant le Shajara, l'arbre interdit, comme étant. Shajarat al-Khuld wal-Mulk, l'arbre de la éternité et du royaume. Donc, appeler une chose pour son nom ne change pas le jugement. Tu appelles du vin, tu l'appelles eau de vie, ça sera du vin, il sera interdit toujours quand même. ثم قال إن هذه الأمة ستبتلى بما ابتليت به الجاهلية من عبارة الكبور والأحجار والتبرك بها وهذا حصل وقال له عليه الصلاة والسلام إخبارا بأنه سيقع فحذر منه وأن الواجب هو الثبات على عبارة الله وحده كما فعل الأنبياء أما تبرك بالكبور وغير الله فهذا من فعل اليهود والنصارى وأهل الكفر وأهل الكفر. Donc il dit que cette communauté sera éprouvée comme ont été éprouvées dans la Jahiliya par justement l'ibada, l'adoration des kubur, des pierres, et de chercher la baraka par ces moyens-là. Et le Nabi Sassan nous en a informé. Car ce khabar qu'il a dit à ses ashab à l'époque, il va là pour nous jusqu'à aujourd'hui. Quand là, le tatabaouna sunan man kana kabalakum, vous allez suivre la tradition de ceux qui étaient avant vous. Donc il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé et a averti de cela, de faire attention. Et que le wajib pour nous, c'est de rester ferme sur l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme l'ont fait les anbiya. Et quant au fait de chercher le tabarruk, à la baraka, auprès des tombes et autres qu'Allah subhanahu wa ta'ala, cela c'est ce qu'ont fait les Yahoud et les Nasara et les gens de la mécréance. Qu'ils ont pris justement, comme cela va venir, les kubur de leur anbiya masajid, du lieu d'adoration. Et parmi eux, ce n'est pas forcément qu'ils adoraient Sahib al-Kabr, mais chercher la baraka. Par le fait que c'est un habit qui est dans ce kabr, donc on cherche la baraka par lui. Et maintenant, Ashab al-Kubur, comme disent les ulama, la plupart d'entre eux, ils cherchent la baraka du Sahib al-Kabr, nefsi, du wali. Pas min Allah, de lui-même. Il dit c'est un wali, c'est qu'une baraka sur lui, on la cherche, on la veut. Fahadha kufrun akbar. Donc là, c'était le hasil du ders. Qal, al-oula tassir ayat al-Najm. Il y a l'explication du verset Surat al-Najm, l'étoile. Athaniya ma'rifat Surat al-Amr al-Lazi talabu. Yani de là, ça nous éclaire sur yani la vision de la chose qu'ils ont voulu avoir. Yani cette divinité qu'ils ont voulu avoir. Thalitha kouluhum lam yafhalu. Ils ont demandé mais ils ne l'ont pas fait. Car ils ont été repris avant. الرابعة كونهم قصدوا التقرب إلى الله بذلك لظنهم أنه يحبه. Donc du fait qu'ils ont en cela, qu'ils ont voulu par là se rapprocher d'Allah pensant qu'il aimait cela. leur but en eux-mêmes, en eux, c'est de rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala par cet acte. Al-Khamisa, annahum idha jahalu hadha, fa ghayruhum awla bil jahl. Que si jamais les sahaba ont ignoré cela, alors autres que eux sont encore plus à même de ne pas le savoir. Al-Sadisa, anna lahum min al-hasanati wal-wa'd bil-ma'fira ma laysa lighayrihim. Qu'ils ont comme bonnes actions et comme promesses de pardon ce qui n'est pas pour les autres. Sahaba, afdal min ghayrihim. Hadha ma'ruf. Contrairement à ce que disent certains, et qu'ils soient des sahaba qui ont vu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qu'une seconde, ou ceux qui l'ont accompagné pendant des années, bien qu'eux sont meilleurs, mais tous, ils sont meilleurs que les autres. Un sahabi qui a vu le Nabi sallallahu alayhi wa sallam ne serait-ce que quelques secondes, est à moins de fadl que celui qui l'a accompagné dans le prêtre de Razawad, qui a fait des années avec lui. Mais il sera meilleur que ceux qui viendront par la suite. Car le fait de l'avoir vu seulement, c'est un sharaf. Sa vision en elle-même, c'est un sharaf. Comme celui qui le verra dans son rêve. C'est un sharaf. Mais ce n'est pas comme ceux qui l'a vu en vrai. Donc, que dire celui qui l'a vu en vrai? Même une seconde de loin, il l'a vu. C'est un sharaf qui fait qu'il sera meilleur que les autres. As-sabi'a. Mais ce ne le rend pas marsoum pour autant. Ça ne le rend pas infaillible. As-sabi'a. Anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam lam yughzirhum bal radda alayhim biqoulihi Allahu akbar innaha la sunan la tatabaunna sunan man kana qablakum. Fa'allaza al-amr bihadhi al-thalath. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne les a pas excusés pour ce qu'ils ont fait pour autant. Malgré la promesse qu'ils avaient de pardon, il les a blâmés, quand même, avec le takbir. Il les a corrigés, il les a réprimandés. Et ça c'est un rod à qui, dont se sert Cheikh Saïd Da'as, c'est ceux qui excusent le ulama ou le alim. Genre on ne peut jamais le prendre sévèrement parce qu'il a fait une erreur, parce que c'est un alim salafi. S'il fait une erreur, on réfute l'erreur, mais le savant salafi, jamais on lui parle durement ou sévèrement, ou on ne va pas le blâmer. Il dit ça c'est un rad. Le Nabi Salam il a rad à qui? Aux sahaba, à des sahaba. Donc que dire de quelqu'un qui vient d'après eux? Et on rejette l'erreur. Après si jamais il lâche l'erreur, taïb, il fait tawba, c'est fini. Mais si jamais il persiste, après on agit en conséquence, quel qu'il soit. Thumma qal al-thamina al-amru al-kabir wa huwa al-maqsoud annahu akhbara anna tarabahum katarab bani Israël lama qalu li Moussa jallana ilaha. Elle dit le point principal, et qui est justement le but de ce bab, c'est qu'il les a informés que leur demande était la même demande qu'ont eu les Banu Israël, parce qu'ils ont dit à Moussa, accorde-nous une divinité. At-tasi'a, anna nafi hadha min ma'na la ilaha illallah, ma'a diqqatihi wa khifa'ihi ala ula'ika. Et donc le fait de refuser cela, c'est le sens de la ilaha illallah. Car tu as fait kufr bita'arut. Et que cela était vraiment un sens minutieux qui avait même échappé à ces gens-là. Al-Ashira annahu harafa ala al-futya wa huwa la yahlifu illa limaslaha. Qu'il a juré par Allah en émettant une fatwa. Et qu'il ne fait cela que lorsqu'il y a une maslaha, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Al-Hadiyata Ashar anna shirk fihi asghar wa akbar yannahum lam yartaddu bidhalak. Que le shirk, il y a celui qui est akbar, qui est asghar, car ils n'ont pas apostasié en faisant ce qu'ils ont fait. الثانية عشر قولهم نحن حدثاء هذا بكفر فيه أن غيرهم لا يجهل ذلك. Le fait qu'ils aient dit que vous étiez nouveau en islam, cela démontre quoi? Que autres que eux, par contre, ils peuvent qu'ils ne sachent, n'ignorent pas cela. D'autres qui étaient plus anciens connaissent cette masala. الثالثة عشر التكبير عند التعجب خلافا لمن كرهه. Qui a le fait de faire le takbir lors de l'étonnement, contrairement à ce que certains qui l'ont rendu détestable. Arabiata Ashar, Sud Azaraya, le fait de couper court aux choses avant qu'elles n'arrivent. Al Khamsta Ashar, An-Nahi An-Tashabbuh bi al-Jahiliya. Le fait, l'interdiction de ressembler aux gens de la Jahiliya. Et Cheikh Othamini dit par rapport à ça, قال أن الجاهلية لا تختص بمن كان قبل زمن النبي صلى الله عليه وسلم بل كل من جاهل الحق وعمل عمل الجاهليين فهو من أهل الجاهلية. Cette Jahiliya, la description de la jahiliya n'est pas propre aux gens qui étaient avant la venue du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Mais toute personne qui agit comme eux, quand même, sera considérée comme faisant parmi eux. D'ailleurs, aujourd'hui, les koufars sont considérés comme étant les gens, comme les gens de la jahiliya. Maintenant, la jahiliya en elle-même, elle est terminée. Depuis la venu du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Mais il y a des gens qui sont dans une jahiliya. À la wajil khas. Par exemple, ceux qui sont, n'ont pas entré en islam sont dans une jahiliya. Des gens de l'islam qui font des choses de ce genre-là, on va dire, sont dans une jahiliya. Son époque, elle est terminée, mais ses faits sont toujours présents. Ses faits sont toujours présents. Mais le temps lui-même de la jahiliya, il est fini. Et ça dit, c'est un achar, un razob, un del ta'lim, qui est le fait de se mettre en colère lors de l'enseignement. Ça, c'est un rôle aux gens qui disent tout le temps que Cheikh Foulen, il est dur, Cheikh Foulen, il est dur. Dans le ta'lim, quand on enseigne à quelqu'un, tu peux être dur. Il suffit d'une bêtise ou une erreur qui a besoin de shidda pour le réprimander, il faut être dur. Alamni al-hikma, il faut être dur. Nabi sallallahu alayhi wa sallam a déjà parlé durement à ce sahaba en certaines occasions. Parce qu'il les aime. Des fois, quand tu aimes quelqu'un, tu es dur avec lui, tu es sévère avec lui. Plus qu'être autrui. السابعه عشر القاعده الكليه لقوله ان على سنن que c'est une règle générale dans le fait qu'il a dit dans la sunan, c'est-à-dire que cela revient aux traditions de ceux qui étaient avant nous. Mais cet point-là, je n'ai pas bien compris. قال الثامنه عشر ان هذا علم من اعلام النبوه لكونه وقع كما اخبره que cela est parmi un signe de la prophétie comme cela s'est produit comme il l'avait informé. التستعشر أن كل من ذم الله به اليهود والنصارى في القرآن أنه لنا. Tout ce que Allah a blâmé les Yahouds et les Nasara dans le Coran, c'est valable pour nous. C'est pas dans l'absolu, comme le dit Cheikh Othaymeen, mais c'est valable pour nous. Justement, c'est pour montrer ces gens-là d'avant vous, qui avaient des NBA qui étaient des croyants, en dehors de ceux qui ont dévié, on leur a exempté telle et telle chose. Donc cela est valable pour vous aussi. Pas dans le sens que leurs ibadah sont valables pour nous, mais que le message, le fond, l'éducation est la même. Les erreurs qu'ils ont commis, on va commettre les mêmes. Et le bien qu'ils ont fait, on connaîtra le même. Après, la forme dans certaines ibadas change, mais le fond, il est le même. Donc ce qui était valable pour eux comme exhortation est valable pour nous exactement. C'est ça l'intérêt. Parce que kulluna ahlu tawhid. Les gens qui ont suivi les NBA auparavant, ce sont des musulmans. Comme tu le sais. Tous sont des gens du Tawhid. Donc ce qui était valable pour eux, dans le fond, est valable pour nous également. Et les shurun annahu mutakarrarun indahum anna al-ibarata mabnaha ala al-amr fasara fihi at-tanbih ala masail al-kabr. Eux-mêmes savaient que le fait de faire une adoration était bâti sur un amr, c'est-à-dire un dalil shari'i. C'est pas qu'ils ont demandé, accorde-nous une divinité. Et on ne va pas le faire de nous-mêmes. Toi, accorde-nous cette chose-là. Après, il citait des masailles où Allah, j'ai pas compris. Même Cheikh Othaymeen, il dit qu'il y a des choses, des fois, il expliquait, et ce qu'il a dit lui-même, j'ai pas compris. Il lui-même dit que il y a des masailles que le chérisseur, des fois, sont tellement précises qu'on a du mal à les comprendre. Et moi, je ne l'ai pas comprise. Que dans ce hadith-là, on voit le sens de la question du serviteur dans son qabr. Man rabbuk, ma dinuk, man nabiyuk. J'ai pas cerné, c'est comment le Wadi Lestil l'Albihada. Donc je ne peux pas te l'expliquer. Et même ce que j'ai enseigné à citer, je ne l'ai pas compris. Mais Alhamdoulilah, j'étais rassuré parce qu'il a expliqué que lui-même, c'est dur à comprendre. Des fois, le shir des Masaïl, elles sont dures à cerner. Ce n'est pas tout le monde qui peut les cerner. Donc ça m'a rassuré un petit peu. Al-Hadiya ou Ishron, Anna Sunat al-Kitab, Mazmoumatun que Sunat al-Mushrikin. Que la tradition des gens du livre, qui était mauvaise, est mauvaise comme celle des Mushrikin. C'est-à-dire que les deux, on peut comparer, par exemple, sur un khat wahid. Al-Thaniya ou Ishroun, Anna al-Mutanakil, ou Muntakil, min al-Batil, al-Lazi, ihtadahu, kablahu, la yu'man an yakuna fi kalbi, baqiyatun min tilka al-adat, li kolihi, wa nahnu hudathahu, ahadin, bi kufrin. C'est le dernier point qui dit que celui qui sort d'un Batil, comme par exemple quelqu'un qui se soumet à Allah, qui se convertit, qui se repent, il dit qu'il n'est pas à l'abri, qu'il reste des choses qui sont passées dans son cœur. Des choses qu'il a fait auparavant, des traces encore qui sont dans son cœur. Comme ce fut le cas de ces Sahaba quand ils ont dit, nous étions nouveaux en islam. C'est-à-dire qu'en fait, les Afrikas qu'on avait avant, certaines sont restées en nous. Et ça, c'est ma'alouf. C'est ma'alouf, c'est pour ça que l'islam, au fur et à mesure, t'éduque. Au fur et à mesure du temps, mais ça demande ta talab al-ilm et de la patience et de l'application. Donc ça, c'est le bab qu'on a pris aujourd'hui, qui est le fait de chercher la baraka. Et que cette baraka, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala qui l'accorde. Il y a des causes, il y a des adillah, tamam, des choses dans lesquelles il y a une baraka, comme le ilm, tamam, dans le ta'lim, il y a des ad'iyah, il y a des faits précis, Et ce qui, lui qui cherche la baraka dans ce qu'il n'y a pas de preuve à l'appui, aura rendu une cause shad'i qui n'en est pas une. Donc il rentre dans quoi? Dans le shirk. Quand même. Asrar s'il dit que cette chose-là est un moyen. Et Akbar s'il dit que la chose en elle-même a cause de baraka. هذا ودرسنا اليوم والحمد لله رب العالمين